Ravenstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun, qui publie « Si rien avait une forme, ce serait cela » chez Gallimard. Tolérable évidence que la forêt obscure est intérieure, mais aussi marche au-devant de tout avenir. Partons de rien, justement, Annie Lebrun, puisque le titre que vous avez donné à ce livre, c'est « Si rien n'avait une forme, ce serait cela ». Dans un livre de poèmes, publié il y a déjà longtemps, en 1972, tout près des nomades, aux éditions Maintenant, mais c'est un texte que vous avez repris par la suite, dans le volume « Ombre pour ombre » chez Gallimard, il y a 5 ou 6 ans, vous disiez « Je n'ai rien à dire, et encore moins quelque chose à dire. » Oui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas changé d'avis. Non, non. La preuve avec ce titre-là, qui d'ailleurs n'est pas de moi, il faut le préciser. Hein, c'est... Il y a quelqu'un que vous connaissez bien. Je ne sais pas si je le connais bien, mais je l'aime bien, c'est Victor Hugo. Et c'est tiré d'un texte splendide qui s'appelle « Le promontoire du songe ». Et c'est... qui part du fait qu'un jour de 1834, je crois, Arago annonce à Victor Hugo qu'il est possesseur d'un nouveau télescope qui permet de pouvoir contempler la Lune, et en particulier les reliefs de la Lune. Alors évidemment, Hugo se précipite et assiste à un spectacle qui le transporte, et c'est le point de départ d'une méditation et d'un texte époustouflant sur le rêve, sur l'imagination, et contemplant les jeux de l'ombre et de la lumière. À un moment, Hugo s'écrie « Si rien », pour essayer de faire passer chez le lecteur l'émotion qui l'emporte. Et il écrit « Si rien avait une forme, ce serait cela ». Et quand j'ai lu ce passage, ou plutôt relu ce passage, tout d'un coup, ça m'a semblé convenir de servir plutôt de titre pour couvrir plutôt ce qui m'agitait depuis un certain temps et qui allait devenir ce livre-là. Victor Hugo qui disait aussi « Comme on fait son rêve, on fait sa vie », une oui. phrase que vous pourriez co-signer. Oui. Alors, une phrase, glanée au passage, ça ne fait pas un livre. Non. Mais on ne glane pas par hasard les phrases au passage. Parce que on les repère, c'est-à-dire à chaque fois, c'est des rencontres. Et il se trouve qu'il y a certaines phrases qui vous aident peut-être à préciser. Là, c'était détonateur. Plutôt, oui. Enfin, j'étais longtemps avec cette phrase-là, mais ça m'a paru convenir à ceux qui me préoccupaient. puisque c'était aussi la question de la forme. Donc une phrase qui vous a conduite à un long périple, que vous dites avoir commencé sans très bien savoir où vous alliez aller. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 ans, j'avais fait un texte qui était une sorte d'analyse assez radicale de la situation qui était faite à la sensibilité, qui s'appelait du trop de réalité, et où je dépeignais de façon assez catastrophique une sorte de qui me paraissait être une invasion du monde sensible par le grand mouvement de marchandisation auquel on assiste depuis un certain nombre d'années, qui devant lequel tout semble céder. Et donc cette analyse était comme une sorte de coupe du paysage. Et le malheur, c'est qu'il m'a semblé, le temps passant, que j'aurais pu faire un tome 2, un tome 3, un tome 4, et me trouver dans la situation désagréable et pour moi intenable, de continuer à déplorer l'état des choses. Comme d'ailleurs c'est devenu une sorte de genre, puisque les uns et les autres maintenant déplorent la situation, ce qui est devenu une sorte aussi d'accompagnement de ce qu'on vit. Et c'est pour ça il m'a semblé qu'il fallait essayer de comprendre pourquoi tout semblait céder devant quelque chose qui se manifestait à mes yeux comme une domestication sensible, et pourquoi ce monde-là était devenu une sorte de monde de l'acquiescement. Alors pourquoi rien ne résistait plus ? Rien encore. Oui. Peut-être pas tout à fait rien, là, en l'occurrence, mais pourquoi cette sorte de domestication me semblait, pourquoi ça semblait progresser aussi facilement. Ouais. Alors, votre investigation, Annie Lebrun, vous l'avez menée en partant de rien, j'y reviens, puisque vous dites avoir eu au début à l'esprit toujours cette expression « rien dans les mains, rien dans les poches ». Oui, parce que il m'a semblé aussi, justement, compte tenu de l'invasion du monde sensible, que on se trouvait de plus en plus démunis pour les armes qu'on pouvait avoir auparavant à opposer à ce monde de la marchandise, eh bien tout se passait comme si elle nous filait entre les doigts. Et d'où c'est aussi le sentiment de ce dénuement qui m'a fait aussi essayer de réfléchir un peu plus en amont. Mais ce rien dans les mains, rien dans les poches, c'était en fait un presque rien, parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ne vous quittent jamais, qui ne sont jamais très loin, et qui sont présents dans le livre. Oui. Je pense à Sade, bien sûr, en premier lieu. Sade, dites-vous, pour le sens moral. Novalis, pour la conscience poétique. Et Alfred Jarry, pour la croyance amoureuse. Oui, pour la question amoureuse, plutôt que la croyance. Oui, la question amoureuse, oui. Parce que ce n'est pas une croyance, c'est une question. Oui, oui. Puis il y a ceux qu'on ne s'attend pas à lire dans un livre de vous. Par exemple, Hegel, le Hegel de la philosophie de l'esprit. Oui, oui, oui. Vous avez repris page par page. Oui. Et qui, en 1805, n'hésite pas à situer dans l'imagination l'origine de la négativité. Oui. C'est-à-dire du noir, qui est aussi une couleur qui est très présente dans vos livres. Oui. Mais ça, c'est pas tout à fait moi qui ai eu cette idée-là. C'est-à-dire que je dois le fait d'être allé retourner à Hegel à cause de Gunther Anders, qui est ce philosophe, si on peut dire, philosophe, oui, il est philosophe allemand, qui après les désastres de la Deuxième Guerre mondiale, d'un côté les camps auxquels est venu s'ajouter la catastrophe atomique, a eu une sorte de mouvement qui, d'abord une sorte de désespoir terrible, et aussi un mouvement aussi de révolte en se disant à quoi sert la pensée si on ne peut pas penser ce que nous venons de vivre et ce que nous sommes en train de vivre. Et dans sa réflexion, Anders en est revenu à cette question de la négativité, et en particulier, il a vu comment aussi bien Hegel que Goethe se livraient à une sorte de, on pourrait dire, de trafic sur l'idée de négativité, en ce sens que l'un et l'autre arrivaient à faire que le négatif engendre du positif. Et ça, pour Anders, c'est quelque chose d'intolérable. Et c'est ça qui m'a fait retourner, justement, à Hegel et trouver le point où se passait cette sorte d'entourloupe, si je puis dire, pour aller vite. Pour Hegel, la pensée se cherche à travers une imagination qui est en prise sur la nuit. Oui, et c'est d'autant plus le rétablissement, si on peut dire, normatif de Hegel est d'autant plus saisissant que dans ce passage auquel vous faites allusion et que j'ai trouvé, et c'est aussi il faut signaler aussi que et Bataille et Castoriadis s'étaient arrêtés à ce passage-là où Hegel de la nuit effroyable. De la nuit effroyable qu'il y a dans le regard de tout homme. C'est ça qui est le plus important aussi. Bon. Et il faut dire que c'est quelque chose de tout. Le texte est extraordinaire. Et étant donné la puissance de ce texte-là, on est complètement. Moi, j'étais complètement stupéfaite de la façon. Et on peut imaginer la sorte d'énergie qu'il a fallu à Hegel pour essayer de sortir de ça et à nouveau de pouvoir donner, produire de la positivité à partir de ce sentiment, je ne sais pas comment c'est-à-dire on peut dire. Se dégager de cette nuit. De cette nuit-là. De ouais, l'esprit. Ouais, ouais. Ouais. Et comment va-t-il s'en dégager alors par un coup de force? Oui, par un coup de force, par la dialectique, oui. Ouais, oui. Et tout d'un coup, bon, après le noir va produire, le négatif va produire du positif, c'est ça. Mais dans le fond, c'est une rationalisation de ce que moi j'appelle le noir. Et c'est ça, c'est là où ça se joue. Une conceptualisation de cette nuit-là. Et Anders, alors, lui, il a su déceler cette panne de l'imagination. Il a su déceler, il a vu qu'il y a une sorte aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a vu que justement dans cette sorte d'incapacité de penser dans laquelle s'est trouvée la première moitié du XXe siècle, de penser ces phénomènes-là. C'est-à-dire le déficit d'imagination, qu'il a vu que c'est faute d'imagination. Donc une impossibilité d'envisager ce qu'on fait, ou les conséquences de ce qu'on fait, mais les conséquences sensibles de ce qu'on fait. Et l'idée de progrès est directement née de cette tentative de rationalisation du négatif. Oui, et je pense aussi d'essayer de faire rentrer le mouvement, le temps dans une positivité, au bout du compte, mensongère. C'est ça. Et c'est intéressant de voir comment cette posture, en quelque sorte, a été partagée par presque tous, c'est-à-dire aussi bien par ceux qui prétendaient contester ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a eu à nouveau, il y a eu une dévotion, il y a eu une religiosité autour de la notion de progrès. Oui, c'était un désir de positif, voilà, de positivité. Oui, oui, oui. À tout prix. Oui, à tout prix. Oui. Produire, par exemple. Produire, et au détriment, justement, du regard sensible, de la, bon, ce qu'on peut appeler la conscience poétique. Et c'est quand même... C'est remarquable que c'est, on pourrait dire que c'est une des tares de la société industrielle. Parce qu'il n'est pas de société traditionnelle, primitive ou non, qui se permette de faire l'économie de ce regard sur les forces sombres. Puisque aussi bien les mythes, les religions servent essentiellement à approcher... à donner des formes, à approcher, à ritualiser, à donner des formes rituelles, pour tenter de saisir ces forces-là. Or, la société industrielle se paye le luxe, c'est ça, si on peut dire, se paye le luxe de faire comme si ça n'existait pas. Donc, avec une sorte de positivité, comme une marche forcée, à la positivité. Mmh, dont la marchandisation dont vous parliez tout à l'heure est le dernier avatar. Voilà. Et alors, ce qui m'a semblé aussi remarquable, c'est que aux deux temps forts, justement, de deux étapes de la société industrielle, aussi bien donc au commencement, à la fin du 18e siècle, et après, dans les années 30, c'est-à-dire ça marque deux stades de développement de la technique, eh bien, il y a eu ces sortes de réactions, instinctives, mais pas inconscientes, mais pas tout à fait conscientes, c'est qu'un certain nombre de personnes, d'esprits particulièrement sensibles à ce qu'il y avait dans l'air, eh bien, ce sont, pas comme par hasard, mais on pourrait dire comme par hasard, justement, tournés, intéressés aux mythes. Alors, je parle d'un côté aux romantiques allemands, à la fin donc du 18e siècle, et puis, dans les années 30, eh bien, c'est autour du collège de sociologie, c'est les gens comme Bataille, Léris, Kaiwa, et d'un autre côté, les surréalistes. Et c'est très intéressant, c'est dans la mesure où on cherche un autre espace, aussi un espace pratiquement impossible à réaliser, mais il n'empêche de trouver un autre espace mental d'où on pourrait penser le monde différemment. Et ça m'a paru être aussi un symptôme de ce qui s'est passé. Vous avez déjà annoncé la couleur, Annie Lebrun, qu'on retrouve dans votre nouveau livre « Si rien avait une forme, ce serait cela » que vous publiez chez Gallimard. La couleur, c'est le noir. Le noir dont Victor Hugo a su parler aussi. Il ne vous a pas seulement donné le titre de votre livre. Oui. Vous le citez dans son William Shakespeare. « L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. L'homme qui médite vit dans l'obscurité, nous n'avons que le choix du noir. » Et pour vous, c'est ça l'essentiel, cette intuition qui est également partagée par Sade, pourtant très, très différent de Victor Hugo, que le noir est la couleur d'un infini qui est autant en l'homme qu'en dehors de lui. Oui. D'abord, bon, c'est pas seulement... C'est pas seulement Sade ni Victor Hugo, c'est-à-dire, il me semble que justement un peu tous ceux qui ont réfléchi comme Hugo y fait allusion, ont abordé ces contrées-là, ont tourné autour de ce gouffre-là, qui est quand même la conscience de l'inhumain, qui est en lui. Je pense que c'est ça le plus important. Et c'est une nouvelle fois, la société industrielle a tout fait pour que nous perdions complètement ce sens de l'inhumain, cette conscience de l'inhumain. L'infini. Qui est l'infini, évidemment. Hugo dit le formidable infini noir, et Sade parle de l'infini du désir. Donc il faut que chacun se réapproprie ce temps de l'infini qui nous habite et qui a été délogé. Oui, et qui est de plus en plus tout est fait de sorte que on soit détourné de ça. Là, je retrouve ce que j'avais déjà dit avec du trop de réalité, justement, où je montrais que la nouvelle forme de censure n'est pas du tout une censure par manque, mais c'est une censure par l'excès. Et il y a une occupation, bon, non seulement cette pléthore de marchandises qu'on connaît, mais tout est en place pour qu'il y ait cette occupation du temps, sous toutes les occurrences possibles. Et même, on voit ça dans ce qui est de l'ordre du amoureux, c'est-à-dire en ce qui concerne le désir, on se trouve dans une situation où maintenant, tout se passe comme si le désir pouvait être comblé avant même qu'on le formule. Et ça, je pense que c'est très très grave, parce que de ce fait, on nous prive du temps du trouble. On n'a même pas le temps de vouloir quelque chose. Immédiatement, il y a de quoi assouvir la pulsion. Et dès lors qu'il n'y a pas ce temps du trouble, on nous prive aussi de la force de discernement du désir. Contrairement à ce qu'on dit que l'amour est aveugle, c'est complètement faux. Je pense que le désir est une force de discernement et qui permet justement de saisir de façon très fine ce à quoi on rêve. C'est le noir qui peut sauver les amants ? Ah oui. Oui. Or justement, tout est fait pour qu'il n'y ait plus de noir. Vous parlez de l'acuité redoutable du noir. Je pense, oui. Mais aussi, tout est fait pour qu'il n'y ait plus de noir, parce que c'est quand même aussi, il faut constater et bien insister sur le fait qu'il y a actuellement une guerre contre le secret, et en particulier contre le secret amoureux, c'est-à-dire le secret qui peut lier deux êtres. C'est quand même toujours une association de malfaiteurs, si on peut dire. C'est un secret ça ne fonctionne que parce que ce secret est bien gardé. Or, c'est absolument l'inverse. Bon, parlons pas des caricatures de la télé-réalité, mais il n'empêche qu'on assiste à une exposition de la vie amoureuse des uns et des autres qui est quelque chose d'hallucinant. Alors, le programme de Rimbaud serait plus que jamais d'actualité. Réinventer l'amour. Oui. Et changer la vie. Oui. Oui. Vaste programme. Vaste programme, mais on voit bien aussi comment ça a été, ce genre de paroles ont été complètement dévalorisées par les utilisations qu'on en a faites, justement. Le livre aborde aussi la question du corps, ouais. Évidemment. Au XXe siècle, qui n'est pas si loin que ça, il y a eu une impuissance à penser le corps comme le monde sensible. Dites-vous, c'est-à-dire qu'il y a eu des idées sans corps et des corps sans idées. Oui, on est quand même toujours dans cette situation-là, je pense, oui. Vous pensiez, par exemple, au néo-féminisme, qui, de temps en temps, provoque vos colères. Oui, c'est pas fini, parce que ça va être réédité. Donc, oui, mais justement, on voit très bien là comment, quelles que soient les apparences que ça a prises, parce qu'en plus, ce qui caractérise les personnes qui parlent au nom de ce qui est quand même une idéologie, parce qu'elles ont changé toujours, elles changent très souvent de point de vue, quitte à se contredire, mais ça c'est autre chose. Mais on voit très bien comment il s'agit, dans le fond, d'une entreprise pour dépassionner la vie et faire en sorte que le rapport amoureux ne soit plus amoureux, que ce soit une sorte de contrat entre des personnes. Et ça, je pense que c'est très grave, cette lutte contre la passion, contre le désir, qui fait que, bon, il s'agit d'un rapport comme un autre. Et là, c'est aussi très inquiétant, parce que c'est un des foyers de la révolte qui est en train d'être éradiquée sous prétexte de libération féminine, parce que contre deux personnes qui s'aiment, la société a peu de prise. Or, justement, c'est aussi ça que ce monde-là... Et puis, je pense que, étant donné le tour pris, parce que maintenant, le dernier aspect de ce néo-féminisme qui met en avant le côté pragmatique de son programme, ça aussi, il faut voir qu'est-ce que c'est, mais ce côté pragmatique, c'est quand même, au bout du compte, ça va dans le sens d'une domestication à la technique. Mmh. Il y a un livre, par exemple, qui est votre cible particulière. C'est un livre publié il y a déjà longtemps par Elisabeth Badinter, L'un et l'autre. Oui. Dans lequel Elisabeth Badinter se féliciterait que la passion soit en voie d'extinction et le vertige sensuel aussi. Oui, oui, mais c'est pas le conditionnel. Elle se félicite. Je cite, je donne les pages et ça continue parce que c'est... L'éradication du désir. Oui, elle le dit. C'est ça le programme. Or, dans le fond, je pense que c'est ça, tout ça, c'est pour aboutir à ça. Et là, je vois que quand même, il y a de quoi être inquiet. C'est-à-dire, au bout du compte, dépassionner la vie. Oui, c'est ça. Et de faire des êtres alors complètement manipulables, avec une pseudo-liberté sexuelle où les personnes sont complètement interchangeables, les corps complètement interchangeables. Et c'est quand même ce qui se passe. On le voit aussi dans les comportements, les habillements, comment les gens apparaissent. Donc, il suffit seulement que ça... On est dans des flux. Ouais. Vous écrivez, Annie Lebrun, vous politisez le débat. Vous écrivez que ce genre d'invite est aussi... mensonger sur la réalité érotique que le réalisme socialiste des régimes staliniens l'aura été sur la réalité sociale. Je pense, oui. Bon, alors effectivement, c'est quand même... Peut-être que tout n'est peut-être pas fini parce qu'il y a justement... Il y a quand même toujours des gens, des jeunes gens qui s'aiment, comme l'herbe repousse aussi. Donc c'est pour ça que tout n'est pas, peut-être pas forcément... définitivement désespéré, mais il n'empêche que les conditions sont très très défavorables. Alors il y a quelqu'un, on a cité son nom au début de cet entretien, quelqu'un qui avait tout prévu avec un siècle d'avance, quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est Alfred Jarry. Oui. Oui, je l'aime de tous les côtés, si on peut dire, littéralement et dans tous les sens. Ils ne sont pas nombreux, hein, les hommes que vous aimez beaucoup, mais quand vous les aimez, vraiment, oui, vous les aimez. Hein. Oui, oui. Mais justement, parce que... on a prêté, à juste titre d'ailleurs, beaucoup d'attention à Ubu de Jarry. Mais c'est curieux comment... continuellement, une sorte de... L'impasse est faite sur ce livre, moi, auquel je tiens tellement, qui s'appelle Le Surmal. Parce qu'il me semble que c'est là que peut-être, comme jamais encore, toutes les questions qui se posent avec l'amour ont été abordées de façon non sentimentale, de façon lyrique, mais en même temps... extrêmement conscient de tous les mensonges de la sensibilité, de la sentimentalité. Donc, ce qui fait un texte pour moi complètement fascinant, et en particulier en repensant à ces questions-là, je me suis souvenue de la façon dont Jarry termine Le Surmal, c'est-à-dire que devant cette puissance, cette force qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est celle du Surmal, à qui on reproche dans le fond non pas d'aimer de façon je sais pas comment, j'ai oublié, de façon de excessive, mais dans le fond de ne pas aimer comme une machine, c'est ça la question fondamentale. Eh bien, il se trouve à la fin que se réunissent un ingénieur, un médecin et un physicien qui essayent de mettre en commun leur savoir pour mettre fin à ce scandale qu'est l'existence, qu'est pour eux l'existence du Surmal. Et ces trois personnes qui représentent la société dans laquelle nous vivons, à travers la science, la médecine et l'industrie, cherchent intensivement comment réussir à contrer le Surmal. Et tout d'un coup, il y en a un qui... Ils ont l'idée de faire une machine, puisque y a aucun moyen, il faut trouver une machine, il faut inventer quelque chose, et on trouve une machine qui, la seule qui puisse le contrer, c'est une, ils inventent une machine à fabriquer de l'âme. Et il me semble qu'on est complètement dans cette situation-là. On nous fabrique de l'âme tous les jours. Donc Jarry a déterminé tout ce que notre monde aujourd'hui veut liquider. Il me semble qu'on peut le lire comme ça. La singularité, oui. L'amour, oui. Et il est perdu. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des acteurs de cette grande domestication qui est en cours. Ces acteurs-là, ce sont des gens qu'on entend quelquefois sur cette antenne. Ce sont les acteurs culturels, selon vous, Annie Lebrun? Oui, parce qu'il me semble que au XXe siècle, plus particulièrement, ce que vous nommez d'ailleurs très justement comme les acteurs culturels, eh bien, n'ont pas eu cette attitude de... sinon de révolte, au moins de retrait, qui fait que souvent, enfin pas souvent, mais quand même auparavant, des personnages qui s'occupaient qui prétendaient penser, avaient un recul par rapport à la réalité qu'on essayait d'imposer. Or, il me semble que de plus en plus, eh bien, les acteurs culturels ont participé à ce mouvement de marchandisation de la sensibilité, du monde sensible. D'où l'importance alors de l'activité critique, ou l'importance qu'elle devrait avoir, voilà. Le rôle qu'elle devrait jouer, que ces acteurs devraient jouer. Voilà. Parce que tous ces intellectuels, ces artistes, ont tout fait pour que nous ne reconnaissions rien, c'est le mot que vous employez, de notre sauvagerie. Et oui. Oui, c'est ça. Je ne peux pas ajouter autre chose. C'est ça. Et la sauvagerie, c'est une notion clé dans votre pensée? Je ne sais pas si la sauvagerie, en tant que telle, mais c'est, il me semblait que c'était le terme qui me paraissait rendre le mieux ou le moins mal compte de ce qu'il y a d'irréductible dans chacun de nous. Et il me semble que la situation est si grave que c'est maintenant à chacun de prendre conscience de ça et d'essayer de trouver ce qu'il y a d'inaccaparé dans sa singularité. Vous êtes critique à l'égard des situationnistes, par exemple, qui pourtant étaient vos amis? Oui, tout ce qui est d'ordre critique chez eux est tout extrêmement intéressant. Il n'empêche que ils ont fait l'impasse quand même sur le monde sensible. Et à nouveau, on se retrouve dans, quoi qu'on dise, quoi qu'ils disent, on se retrouve dans une sorte de positivité. Et qui est une forme d'allégeance, comme, au bout du compte, au monde technique. Le livre d'Annie Lebrun, Si rien avait une forme, ce serait cela, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.